23-16, observation. Optimisme, pessimisme. Optimisme. Ça va aller mieux. Tout va bien. Tout ira bien. Ne vous en faites pas. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de problème. Ça ne sera pas un pli. Ne t'en fais pas. Tout s'arrangera. Ça finit toujours par s'arranger. Pessimisme. Ça ne va pas. Ça ne va pas fort. Ah, ça ne va pas mieux. Où allons-nous? Nous allons à la catastrophe. Vous verrez, tout ça finira mal. Tu verras, tout finira mal. Je suis inquiet. Je suis inquiète. Il y a toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Ah, ça va mal. Ça ne s'arrange pas. Ça finit toujours par s'arranger bien ou mal.